Section numéro 9 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e, l'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Section 9, chapitre 2, troisième partie. Grégoire VII et Henri IV, suite, par Charles Bayet. Nouveau démêlé de Grégoire VII et Henri IV. Henri IV s'était courbé à Canos sous la main du pape, mais cette dure pénitence ne lui avait valu en retour aucun des avantages qu'il en espérait. Fidèle à son alliance avec les princes allemands, Grégoire VII s'était refusé à traiter sans eux. D'autre part, les adversaires du pape dans l'Italie du Nord étaient indignés de la conduite du roi. Ils y voyaient une trahison. D'après Lambert de Hersfeld, il voulait qu'il abdiquât, que son fils, bien que mineur, fût nommé roi. Il l'aurait conduit à Rome, ils auraient procédé à l'élection d'un nouveau pape, annulé les actes de Grégoire VII. Henri IV, pour les rattacher à sa cause, dut se montrer disposé à reprendre la lutte. Les ducs Rodolphe, Berthold, Welf, les archevêques de Mayence, de Würzburg, de Metz, s'étaient réunis à Forchheim en février 1077. Sommé par le pape de s'y rendre, le roi prétexta qu'il était retenu en Italie. Ce fut alors qu'au mois de mars, à cette même assemblée, les alliés de Grégoire VII élurent Rodolphe de Souabe. Il reçut à Mayence l'onction royale. L'anti-roi devait, il est vrai, subir les conditions de ses partisans qui n'entendaient point créer une nouvelle dynastie. Contre le principe d'hérédité invoqué par Henri IV, il revendiquait le principe d'élection. D'ailleurs, élu par des Saxons et des Souabes, il était loin de pouvoir compter sur l'Allemagne. Les villes de la région rhénane, où il voulut entrer, étaient contre lui. À Mayence, il fut mal accueilli. Worms refusa de le recevoir. Ses partisans même l'abandonnaient. Au contraire, Henri avait repris des forces dans l'Italie du Nord. Quand il reparut en Allemagne, il rencontra aussitôt des adhérents en Bavière, en Bohême, à Carinthie, en Bourgogne. Les villes en général étaient pour lui. À Ratisbonne, il se retrouva à la tête de 12 000 hommes, tandis que Rodolphe était obligé de se réfugier en Saxe, le centre de l'insurrection. À l'assemblée d'Ulm, il fit prononcer la condamnation de l'anti-roi, de Welf, de Berthold, la confiscation de leurs biens. Mai 1077. Entre les deux rivaux, Grégoire semble avoir hésité d'abord à se prononcer. Il voulait, disait-il, se rendre en Germanie pour juger leurs différends. Si, en novembre, à Goslar, ses légats renouvelèrent la sentence d'excommunication contre Henri, ce fut sans son avis. Enfin, en mars 1080, dans un synode, il se décide à déclarer Henri déchu de la puissance et de la dignité royale. Agissez maintenant, s'écriait-il en invoquant Saint-Pierre et Saint-Paul, de telle sorte que le monde comprenne que si vous pouvez dans le ciel lier et délier, vous pouvez sur la terre enlever ou concéder aux hommes, selon leurs mérites, les empires, les royaumes, les principautés, les duchés, les marches, les comtés, les terres. À cette date, la guerre était déchaînée en Allemagne. Une bataille douteuse avait eu lieu à Mellringstadt entre Meiningen et Kissingen au mois d'août 1078. En janvier 1080, à Mulhausen, Rodolphe avait été vainqueur et ce succès avait, semble-t-il, décidé le pape à se prononcer pour lui. Mais au mois d'octobre, non loin des bords de l'Elster, l'anti-roi était grièvement blessé et il mourait après le combat. La situation du pape était compromise au moment même où il s'était cru sûr de triompher. L'année suivante, au mois d'août, à Ochsenfurt, les Saxons et les Swabes, sous la direction de Welf, nommèrent un nouveau roi, Hermann de Luxembourg, mais celui-ci ne pouvait sérieusement agir. Aussi, dès juin 1080, Grégoire avait jugé prudent de se rapprocher des Normands avec qui il s'était brouillé. À l'entrevue d'Aquino, Robert Guiscard, relevé de l'excommunication dont il avait été frappé, avait de nouveau reçu l'investiture de la Pouille et de la Calabre, et il s'était engagé à défendre l'Église romaine contre ses ennemis. Les contemporains prétendirent même que le pape lui avait promis l'Empire. Mais Robert n'était alors qu'un allié d'une utilité douteuse. Il avait marié sa fille au fils de l'empereur grec, Michel VII. Celui-ci ayant été détrôné, il voulait le rétablir, et toute sa politique était dirigée du côté de l'Orient. Henri IV à Rome, mort de Grégoire VII. Donc, vers la fin de 1080, le vaincu de Canos avait repris l'avantage en Allemagne comme en Italie, rendant à Grégoire VII tous les coups que celui-ci lui avait portés. Il voulait même, puisqu'on lui avait opposé des anti-rois, créer un antipape. Déjà, au fait de Pâques 1080, des évêques réunis à Bamberg avaient déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus Grégoire pour pape. Au mois de juin, à Brixen, en présence du roi, se réunit un synode où 30 évêques proclamèrent sa déchéance et nommèrent pape l'archevêque de Ravenne, Guilbert, qui prit le nom de Clément III. L'année suivante, mai 1081, Henri est sous les murs de Rome. Il échoue, mais il revient en 1082. Et, comme il ne peut emporter la ville d'assaut, il occupe Tivoli. Il y installe son pape. En juin 1083, il s'empare de la cité léonine. Enfin, en 1084, il entre à Rome. Maître de la basilique de Latran, il y fait consacrer Clément III. Il s'y fait couronner lui-même empereur le 31 mars. Les Romains, longtemps fidèles à Grégoire VII, l'abandonnaient. Bloqué dans le château Saint-Ange, il se décide à adresser un pressant appel à Robert Guiscard. Se sentant menacé si Grégoire succombait, celui-ci arrive au mois de mai avec 30 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Dans cette armée qui vient au secours de l'Église romaine figurent des bandes de Sarrasins de Sicile. À leur approche, Henri, incapable de résister à des forces si nombreuses, quitte la ville. Les Romains essayent de la défendre, mais au bout de 4 jours, le duc normand, grâce à des traîtres, y pénètre. Rome, livrée aux hordes normandes, italiennes, sarrasines, subit toutes les horreurs des massacres, des viols, des incendies. Des quartiers entiers disparurent, et aujourd'hui encore, sur certains points, notamment entre le Latran et le Colisée, les ruines accumulées par la soldatesque de Robert Guiscard forment une couche profonde. Des milliers de Romains furent vendus comme esclaves. Dans cette cité, dévastée et dépeuplée à cause de lui, Grégoire ne pouvait désormais rester. Il suivit Robert Guiscard à Salerne. Il y réunit un synode, renouvela les anathèmes contre Henri IV, Clément III et leurs adhérents. Au mois de septembre 1084, Robert Guiscard partait pour une expédition contre l'Empire d'Orient et, au mois de juillet 1085, il mourait à Corfou. De son côté, Grégoire tomba malade. Comme les cardinaux lui rappelaient les grandes entreprises de sa vie, « Je n'attache, leur dit-il, aucune importance à mes labeurs. Une seule chose m'inspire confiance, j'ai toujours aimé la loi de Dieu. J'ai toujours haï l'iniquité, et c'est pourquoi je meurs en exil. » Il désigna pour son successeur Didier, abbé du Mont-Cassin. À ceux qui lui demandaient s'il persistait dans ses anathèmes, il répondit qu'il accordait à tous l'absolution, sauf à Henri, à Guibert et à leurs principaux partisans. Il mourut le 25 mai 1085 et fut enterré à Salerne, dans l'église de Saint-Matthieu, où il repose encore. Grégoire VII avait succombé dans la lutte. L'obstination même de son implacable caractère fut une des causes principales de sa défaite. En montrant sans cesse quel but l'ambition pontificale se proposait, dans ses rapports avec la société politique, il en fit mieux sentir le danger. En s'acharnant à humilier Henri IV, il provoqua une réaction en faveur de ce dernier. Les armes spirituelles dont il disposait sont de celles qui s'émoussent rapidement lorsqu'on en frappe à coups redoublés. L'étonnement produit par l'excommunication de Henri IV fut d'abord considérable, mais ne dura point. Quant aux armes temporelles du pape, elles étaient bien plus faibles encore. Grégoire VII, alors qu'il revendiquait l'empire du monde chrétien, était un souverain sans armée, et les alliés sur lesquels il voulait s'appuyer, sauf Mathilde, ne s'associaient à la politique pontificale que dans la mesure de leurs intérêts. Les Saxons et les princes allemands en profitaient sans en adopter les principes. Les Normands n'y voyaient qu'une nouvelle occasion de gagner. Dans le domaine des idées, l'audace même de ses prétentions et de ses actes eut pour conséquence de susciter de nombreux théoriciens qui recherchèrent quels étaient les droits respectifs des deux pouvoirs. Il y aurait là un chapitre fort important d'une histoire des conceptions et des controverses politiques au Moyen Âge. Grégoire lui-même écrivait de véritables traités de polémique, comme cette longue lettre à Hermann, évêque de Metz, où, pour prouver l'omnipotence de la papauté, il cite les livres saints, les pères, les décrétales des papes, les événements de l'histoire, tels que saint Ambroise arrêtant Théodose à la porte de l'église, Zacharie conférant la royauté à Pépin. Dans l'autre camp, les avocats des droits de l'Empire ne manquaient non plus ni de hardiesse, ni de science. Ces choses nouvelles, et dont les siècles passés n'ont pas vu d'exemple, écrivait Dietrich, évêque de Verdun, que les papes prétendent répartir si facilement les royaumes. L'évêque allemand Waltram, dans son traité De Unitae Ecclesiae Conservanda, réunit et interprète les textes des pères pour en tirer cette conclusion qu'il appartient à Dieu seul, non au pape, de disposer des royaumes. Le jurisconsulte italien, Petrus Crassus, dans un écrit adressé à Henri IV, déclare la sentence du pape illégale, contraire au principe de l'hérédité du pouvoir impérial. Ainsi éclate, avec une ardeur inconnue jusque-là, des controverses qui devaient agiter pendant plusieurs siècles la société. Les dernières années de Henri IV. La mort de Grégoire VII ne terminait pas la querelle des investitures. Henri IV lui-même était loin d'avoir triomphé de ses adversaires. Tandis que l'abbé du Mont-Cassin, Didier, devient pape sous le nom de Victor II, Henri cherche à rétablir son pouvoir en Allemagne et lutte contre l'anti-roi, Hermann de Luxembourg. Il n'y réussit guère. Il est même battu près de Blechfeld, août 1086. Si, en 1088, la mort de Hermann paraît favorable à sa fortune, par contre, à Victor II, de caractère débonnaire, succède, mars 1088, un pape énergique, Hugues, évêque d'Ostie, ancien prieur de Cluny, qui déclare adopter tous les projets, tous les actes de Grégoire VII. Urbain II est un politique habile. Grâce à son alliance avec Roger, fils de Robert Guiscard, il rentre à Rome que l'antipape Guibert occupait, novembre 1088. Mais il doit de nouveau la quitter. Pendant les premières années de son pontificat, il vécut surtout dans le sud de l'Italie, et l'on a pu supposer que c'était là que l'idée des croisades était née dans son esprit. Toutefois, par un coup de maître, il unit les adversaires du roi en Italie et en Allemagne. La grande comtesse Mathilde, bien qu'âgée de plus de 40 ans, épouse un adolescent de 19 ans, le fils du terrible Welf de Bavière, 1089. En vain, Henri IV fait une expédition dans l'Italie du Nord, prend Mantoue après un long siège, s'empare une à une des villes de la comtesse Mathilde, 1090. Au moment où la fortune semble lui revenir, sa seconde femme, la Russe Praxédis, qui avait changé ce nom contre celui d'Adélaïde, l'abandonne et le déshonore par ses accusations. Son fils Conrad, qu'il a nommé roi d'Italie, passe à l'ennemi, 1093. Proclamé par une première ligue lombarde que forment Milan, Crémone, Lodi, Plaisance, couronné à Monza par l'archevêque de Milan, Conrad prête serment au pape. Au concile de Plaisance, mars 1095, Urbain II domine en vainqueur, au milieu d'une extraordinaire affluence de clercs et de laïcs. Déjà, la lutte contre le pouvoir impérial n'absorbe plus ses pensées et son activité. Il prêche la croisade. L'année suivante, il la décide au Concile de Clermont. Henri IV voit donc la société chrétienne se grouper sous la direction du pape. Son antipape, Clément III, disparaît en 1100, tandis qu'à Urbain II, mort en juillet 1099, succède Pascal II, fidèle à la politique de son prédécesseur. Enfin, pour achever sa ruine, son second fils, Henri, qui l'a fait couronner roi à Aix-la-Chapelle, après avoir déposé Conrad, le trahit à son tour, décembre 1104, et devient l'homme du pape. À Coblenz, Henri IV se prosterne, en suppliant aux pieds de son fils. Il est emprisonné, malgré les promesses qui lui ont été faites. Il abdique à Ingelheim, devant un légat du pape. Il désavoue toutes ses prétentions, tous ses actes. Enfin, après un dernier effort pour ressaisir le pouvoir, il meurt à Liège, le 7 août 1106. Ce ne fut qu'en 1111 que ses restes, frappés par l'anathème, purent recevoir une sépulture religieuse. Ainsi, dans ce terrible duel, tour à tour l'empereur et le pape semblaient devoir l'emporter. À l'intérieur de l'Allemagne, Henri IV, lorsque ses ennemis lui en avaient laissé le loisir, s'était préoccupé d'assurer l'ordre. Il s'était appuyé sur le peuple, et son règne marque, dans l'histoire des villes, une époque de développement et de prospérité. Henri V et Pascal II. Henri V était roi, mais le fils perfide, qui, par sa révolte et ses parjures, avait empoisonné les derniers jours de son père, ne devait pas être un serviteur fidèle de la papauté. Il s'était servi du pape pour usurper le pouvoir, il se retourna contre lui dès qu'il eut réussi. Lors du concile réuni à Troyes par Pascal II, 1107, les délégués de Henri V, dans une entrevue à Chalon-sur-Marne avec le pape, réclament pour l'empereur, en s'appuyant sur un privilège apocryphe d'Adrien Ier, le pouvoir d'établir les évêques, autrefois accordés à Charlemagne, l'investiture par la crosse et l'anneau. Le pape refuse, et les envoyés impériaux répondent « Ce n'est pas ici, mais à Rome, que le glaive terminera cette querelle. » Donc, après tant de luttes, de troubles, de trahisons, tout était remis en question. La fortune favorisa Henri. À la suite de 2 années de guerre contre la Hongrie, la Pologne, la Bohême, 1108-1110, il descend en Italie, escorté d'une nombreuse armée. Il a eu soin, d'ailleurs, dit Otto de Freisingen, de se munir d'hommes lettrés, prêts à donner des raisons à quiconque en demanderait. Les villes lombardes se soumettent, à l'exception de Milan. La comtesse Mathilde elle-même n'ose résister. Par Florence, le roi s'achemine vers Rome au commencement de 1111. À Sutri, les légats de Pascal II viennent déclarer qu'il est prêt à renoncer pour les églises à tous les biens et privilèges féodaux accumulés depuis des siècles. Duché, marquisat, comté, avouerie, monnayage et autres droits régaliens. En retour, il demande la liberté des élections ecclésiastiques, la suppression de l'investiture par les laïcs. Le pape, incapable de résister par la force, voulait sauver l'indépendance de l'Église en sacrifiant ses biens temporels. Henri V accepta ces conditions que des actes officiels enregistrèrent. Le 12 février, il entrait à Rome et la cérémonie du couronnement impérial commençait à Saint-Pierre, dont les abords étaient gardés par les chevaliers allemands. Mais quand lecture est donnée de la convention qui venait d'être conclue, un violent tumulte éclate. Les évêques et les abbés n'entendaient pas ratifier les concessions du pape et renoncer à leurs domaines et à leurs privilèges féodaux. En revanche, les princes et les seigneurs n'entendaient pas non plus renoncer aux biens ecclésiastiques dont ils étaient détenteurs. Le couronnement ne peut avoir lieu. On se bat dans l'église, le roi s'empare du pape et des cardinaux. En vain, les Romains essayent le lendemain de les délivrer. Henri V les repousse et emmène ses prisonniers à Albano. Là, il feint d'implorer son pardon, mais il oblige Pascal à lui reconnaître les droits de ses prédécesseurs. Le roi conférera dans son royaume l'investiture par la crosse et l'anneau aux évêques et aux abbés élus librement et sans simonie. Ils recevront ensuite de l'évêque à qui il appartiendra la consécration canonique. Le candidat qui aurait été élu par le clergé et le peuple sans l'assentiment du roi ne sera pas consacré avant d'avoir reçu l'investiture royale. Quant aux dissensions populaires qui éclatent souvent lors des élections, elles doivent être réprimées par la majesté royale. Le 13 avril, Henri V, victorieux, était enfin couronné à Saint-Pierre. Quelle revanche de Canossa ! Et, comme pour préciser la signification de son succès, de retour en Allemagne au mois d'août, Henri V ensevelissait solennellement, à Spire, les restes de son père excommunié. L'année 1111 marque l'apogée de la puissance de Henri V. Otto de Freisingen le dépeint dominant sur l'Empire, où tous portent humblement le joug de la suggestion, redouté des peuples voisins. Cependant, si l'éclat de la victoire remportée sur la papauté dut produire l'impression dont parle le chroniqueur allemand, celle-ci ne fut pas de longue durée. L'Église n'acceptait point les renonciations du pape. Le clergé romain lui reprochait d'avoir, contrairement à la discipline ecclésiastique, accordé la bénédiction impériale au roi Henri, le tyran destructeur de l'État et des Églises, et de lui avoir conféré un privilège sacrilège. Au synode de Latran, du mois de mars 1112, Pascal fit cette déclaration solennelle. J'embrasse les décrets de mon maître le pape Grégoire et d'Urbain de bienheureuse mémoire. Ce qu'ils ont loué, je le loue. Ce qu'ils ont confirmé, je le confirme. Ce qu'ils ont condamné, je le condamne. Puis Gérard, évêque d'Angoulême, avec l'assentiment du pape et du synode, lut la déclaration suivante. Ce privilège qui est non pas un privilège, mais un pravilège, non privilegium sed pravilegium, arraché au pape Pascal par la violence du roi Henri, nous tous, réunis dans ce saint concile, nous le condamnons et nous le jugeons nul, parce qu'il y est dit que le candidat élu ne pourra être consacré canoniquement qu'après avoir reçu l'investiture du roi. Quand la papauté faiblissait, c'était maintenant l'Église, réformée par Grégoire VII et s'inspirant de son esprit, qui lui rappelait ses devoirs. En Allemagne même, Adalbert, archevêque de Mayence, jusqu'alors le bras droit du roi, conspirait contre lui et par suite était emprisonné, 1112. Le soulèvement de la Saxe éclate, 1113. Henri V le réprime. En 1114, à Mayence, il célèbre solennellement son mariage avec Mathilde, fille de Henri Ier d'Angleterre. Mais, à cette cérémonie où il veut manifester sa puissance, les princes et les seigneurs qui y affluent nouent de nouvelles intrigues. L'arrestation et l'emprisonnement de Louis de Thuringe, qui avait pris part à l'insurrection de la Saxe, achèvent de les irriter. Tandis que Henri V prépare une expédition contre la Frise, qui refuse de payer son tribut annuel, Cologne se soulève, sous la direction même de l'archevêque. La Lorraine, la Westphalie suivent cet exemple. Henri V échoue au siège de Cologne, 1114. La Saxe se révolte de nouveau sous la conduite de son duc Lothaire. L'empereur est battu à Welfesolge, 1115. Un légat romain, le cardinal Dietrich, parcourt le pays, publiant ce qui s'était passé au concile de Latran et l'anathème prononcé contre Henri. À Mayence même, où l'empereur a convoqué une assemblée des princes, les bourgeois l'assiègent dans son palais et l'obligent à relâcher leur archevêque, Adalbert, 1115. Toutefois, la situation de l'Italie semble lui offrir la revanche de ses revers en Allemagne. La grande comtesse Mathilde vient de mourir, léguant au Saint-Siège ses vastes domaines. Mais les partisans de Henri V l'invitent à venir prendre possession de l'héritage. 1115. C'est le point de départ d'un nouveau conflit entre l'Empire et la papauté qui devait se prolonger longtemps. Si Mathilde pouvait librement disposer de ses biens à l'Odio, d'où aurait-elle eu le droit de léguer les fiefs qu'elle tenait de l'Empire? En 1116, Henri descend en Italie et occupe les biens de Mathilde. Malgré l'approche de l'empereur, Pascal II persistait dans ses déclarations. Lors d'un nouveau concile de Latran, 1116, Il avouait qu'il avait mal agi en 1111. Il frappait lui-même d'anathème le privilège qu'il avait alors accordé à l'empereur. Une révolte féodale, fomentée par le fils du préfet de la ville, Pierre, à qui il n'avait pas voulu transmettre la charge de son père, le chasse de Rome. Les révoltés y appellent Henri, qui le 2 juin 1116 y couronne sa femme Mathilde. Ce fut là un succès sans résultat. Fin de la section 9.